Chapitre 3e, à contre-courant. En ressortant de la salle de bal, Victor Davon arriva sur le vaste palier qui distribuait les pièces du premier étage de l'hôtel de Jarre. Le bruit feutré des conversations distinguées, le chuchotement des étoffes précieuses et le tintement discret de coupes de champagne lui parvenaient à mesure qu'il quittait la salle de bal pour arpenter les salons secondaires, chacun arborant une touche décorative unique. D'abord, le comte s'aventura dans un salon chinois. Son regard se perdit un instant sur les lourdes tentures de soie brodées de dragons et de pivoines, tandis qu'un subtil parfum de thé au jasmin flottait dans l'air. Sur les guéridons délicats, des théières en porcelaine finement décorées attendaient sagement, entourées de bibelots chatoyants et de vases émaillés, renforçant l'exotisme recherché du décor. Les jeunes femmes en robe blanche y étaient nombreuses, incarnant cette ingénuité si précieuse aux yeux de leurs parents et du hègne. Autour d'elles, des prétendants maladroits et empressés tentaient de capter leur attention sous le regard perçant des duègnes en noir. Une de ces gardiennes du bon ordre lança un œil sévère à un jeune homme trop audacieux, penché sur une demoiselle rougissante qui, de toute évidence, préférait la contemplation de ses escarpins à l'exaltation de son admirateur. Victor esquissa un sourire devant cette scène théâtrale avant de poursuivre son exploration. Le salon anglais où il se rendit ensuite offrait une ambiance totalement différente. Ici, tout semblait empreint de la retenue et de la gravité d'un club londonien. Le feu crépitait doucement dans une large cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Les fauteuils en cuir patiné, confortables et imposants, formaient de petits cercles où les conversations feutrées s'échangeaient à voix basse. Des tables basses en acajou, garnies de boîtes à cigares et de journaux impeccablement pliés, complétaient le décor d'une sobriété raffinée. L'atmosphère évoquait moins un lieu de flirt qu'un sanctuaire pour gentlemen appréciant les plaisirs simples de la vie. Sur les tapis aux motifs de chasse, cependant, un tout autre spectacle se jouait. Les jeunes femmes en robe bleue, réputées pour leur accessibilité, animaient les discussions avec un naturel désarmant. Leurs éclats de rire, plus libres, ponctuaient l'air calme de la pièce. Loin de ce flegme britannique soigneusement cultivé, un prétendant manifestement gascon détonnait par son énergie débordante. Grandiloquent, il gesticule avec panache, captant l'attention d'une sculpturale blonde qui semblait autant amusée que fascinée par son verbe volubile. Victor l'observa un instant, un sourire en coin, avant de conclure que cette effervescence n'était pas pour lui. Il quitta le salon anglais aussi discrètement qu'un invité pressé de retrouver un peu de calme. Plus loin, il poussa la porte du boudoir rose, un espace à part, délicieusement féminin, conçu pour des échanges plus intimes. Les murs d'un rose pâle, rehaussés de moulures blanches, encadraient un mobilier élégant. Une sculpture de Louis-Simon Boiseau, amour désarmé par une vestale, trônait au centre de la pièce, comme une ode à l'innocence triomphant de la séduction. Dans cet écrin feutré, les Catherinettes en robe verte formaient un cercle d'observation calculé. Victor les observa à distance, amusé par leur assurance. Contrairement aux ingénues en blanc ou aux jeunes femmes en bleu, celles-ci dégageaient une certaine gravité. Elles jaugeaient, évaluaient, pesaient leurs options avec une subtilité quasi professionnelle. Une d'entre elles, à la beauté froide et aristocratique, toisa un jeune homme avec une lueur ironique dans les yeux. Lorsqu'il hésita, visiblement intimidé, elle décocha un regard perçant, un sourire presque carnassier étirant ses lèvres. Victor vit le prétendant battre en retraite tel un cerf effrayé quittant le terrain de chasse, tandis qu'elle, imperturbable, balayait la pièce d'un regard calculateur, prêt à choisir sa prochaine cible. « Une véritable Diane chasseresse !» murmura-t-il pour lui-même, avant de décider qu'il valait mieux éviter d'entrer dans son champ de vision. Victor continua son exploration et repéra, presque par hasard, une alcôve discrètement nichée à l'extrémité du couloir. Les rideaux de velours bordeaux, entr'ouverts, révélaient un espace feutré baigné d'une lumière tamisée. Intrigué, il s'y glissa et découvrit une scène d'une simplicité désarmante. Deux jeunes gens, assis sur une petite banquette, plongés dans une conversation intime. Elle, en robe le roi, tenait un éventail qu'elle agitait distraitement. Son interlocuteur, un jeune homme brun élégamment vêtu, semblait captivé par ses paroles, penché légèrement vers elle. Leurs regards se croisaient avec une intensité qui ne nécessitait aucune parole supplémentaire. Lorsque le jeune homme effleura timidement sa main, elle esquissa un sourire doux et l'air sembla se suspendre autour d'eux. Victor recula discrètement, un sourire pensif aux lèvres. Cette scène, dans sa sincérité et son naturel, contrastait avec le balai des convenances qu'il avait observé jusque-là. Il retourna vers le palier, méditant sur ce qu'il venait de voir. Peut-être que ce bal, sous ses airs de théâtre mondain, recelait de véritables éclats d'authenticité, et peut-être, pensa-t-il, qu'il était temps d'oser s'aventurer sur la scène lui aussi. Le comte renonça alors à explorer plus avant les salons thématiques. Il regagna la salle de bal principale, l'esprit aussi curieux que diverti par les stratagèmes qu'il venait de surprendre. De loin, il observa le mélange de groupes formés et de couples isolés qui se mouvaient au gré des danses et des échanges d'apparence innocents. C'était ici, pensa-t-il en souriant, que se nouaient les alliances matrimoniales au sein de la haute société. Une pensée qui lui laissa une satisfaction inattendue. De retour dans la pièce principale, Avron s'arrêta au bord de la piste de danse, son regard irrésistiblement attiré par Camille, toujours là, installée sur la banquette où il l'avait laissée plus tôt. Un sourire discret étira ses lèvres. Non seulement elle n'avait pas bougé, mais elle semblait tenir à distance les prétendants qui tentaient leur chance, comme des vagues s'écrasant sur une digue infranchissable. Bien qu'elle porte la robe immaculée imposée par le code vestimentaire, Victor percevait dans sa posture une singularité qui défiait toutes les conventions. Sa silhouette semblait épouser le tissu comme si la robe avait été sculptée sur elle, sublimant son élégance naturelle et altière. Mais ce n'était pas seulement ses courbes gracieuses qui le captivaient. Il y avait dans ses gestes une grâce infinie, empreinte d'une assurance tranquille, qui paraissait presque intemporelle. Ses mains, longues et fines, attirèrent son regard. Elle possédait une noblesse rare, presque anachronique, des mains qui auraient pu guider un pinceau avec délicatesse ou tenir un sceptre avec autorité. Elles incarnaient un équilibre parfait entre la création et le pouvoir. Victor remarqua aussi la délicatesse de son poignet, si fin que le bracelet qu'elle portait, pourtant serré au dernier cran, semblait flotter à peine contre sa peau, accentuant l'impression d'une fragilité apparente, dissimulant une force intérieure. Ses boucles brunes encadraient un visage d'un ovale parfait, adouci par des traits harmonieux. Cette jeune fille semblait appartenir à une époque révolue, comme un personnage figé dans une toile de maître, contemplant avec détachement le tumulte de la salle. Pourtant, derrière cette sérénité apparente, Victor devinait un feu intérieur, une énergie contenue prête à éclater à n'importe quel moment. Néanmoins, ce qui fascinait Victor plus que tout, c'était ses yeux. Des prunelles noisettes, profondes et vibrantes, où il devinait un feu intérieur. Ce n'étaient pas des yeux distants ou ennuyés. Ils appartenaient à une observatrice passionnée, à une âme qui s'animait devant le spectacle vivant qui se déroulait sous ses yeux. Elle absorbait tout. Le chatoiement des robes, les mouvements fluides, les corps qui dansaient en harmonie avec la musique, avec une admiration sincère, mais teintée d'un léger amusement. Elle semblait analyser ce bal avec le regard critique et émerveillé d'une artiste venue chercher l'inspiration. Comme Camille Claudel face à la valse, capturant dans le bronze l'élan sensuel et fragile d'un couple en mouvement. Alors qu'elle continuait d'observer le bal, absorbée par les mouvements gracieux des couples sur la piste, Camille ne remarqua pas immédiatement le trio de jeunes hommes qui, à quelques pas de là, échafaudaient leur plan. Tous trois, vêtus avec soin mais sans grande originalité, échangeaient des regards complices, désignant d'un signe discret celle qui semblait captiver leur attention. Ils chuchotaient, l'un se redressant le col de sa veste, l'autre jetant un coup d'œil rapide à son reflet dans le miroir d'une colonne, le troisième jaugeant la situation avec un sourire confiant. Il semblait évident qu'ils avaient décidé par un accord tacite de tenter leur chance auprès de cette jeune femme qui se distinguait autant par sa beauté que par son détachement. Finalement, le premier, sans doute désigné comme éclaireur, se lança sous les encouragements silencieux de ses camarades qui restaient en arrière, non sans quelques éclats de rire étouffés. Ayant perçu le jeu discret des trois jeunes hommes, Victor ne put s'empêcher de s'en amuser. Leur stratagème, maladroit mais sincère, piqua sa curiosité. Il s'avança d'un pas tranquille et nonchalant qui masquait son véritable intérêt. Tandis que le premier prétendant, galvanisé par les encouragements de ses camarades, rassemblait tout son courage pour s'élancer, Victor ralentit imperceptiblement. Il choisit une place légèrement en retrait, juste assez proche pour observer sans intervenir, savourant à l'avance un spectacle qui promettait d'être instructif. Le jeune homme, un sourire éclatant mais un bras forcé sur les lèvres, s'arrêta à quelques pas de Camille. Se penchant légèrement pour la saluer, il lança une formule de politesse d'un ton trop enjoué, espérant capter son attention. Camille, cependant, resta impassible. Son regard fixe, teinté de perplexité, semblait peser sur lui comme une interrogation silencieuse. L'homme, décontenancé, tenta une phrase d'introduction maladroite, mais la légère inclinaison de la tête de Camille, élégante et calculée, traduisit un agacement clair. Le message était limpide, il gênait son spectacle. Décontenancé, le jeune homme cligna des yeux, cherchant une porte de sortie. Il bredouilla un au revoir précipité, s'éclipsa, rouge d'embarras, tandis que ses deux camarades échangeaient des regards entre l'amusement et la consternation. Victor, ravi de la voir défendre ainsi son espace intime avec tant d'élégance et de fermeté, retint un rire. Cette femme ne ressemblait à aucune autre présente ce soir. Derrière sa façade de jeune débutante en blanc, elle dictait déjà ses propres règles. Le deuxième, plus direct, adopta une approche différente. Il avança d'un pas rapide, effectua une révérence bien exécutée, puis tenta de briser la glace avec une plaisanterie visiblement répétée mille fois devant un miroir. Mais le visage de la jeune femme, toujours impassible, ne broncha pas. Ses lèvres, légèrement pincées, et son regard fixe, lui indiquèrent sans ambiguïté qu'elle n'était pas d'humeur à se prêter à ses tentatives d'amusement. Comprenant que son insistance serait ridicule, il esquissa un sourire gêné, s'excusa d'un ton plus sincère, puis tourna les talons, dissimulant mal sa déception. Victor, amusé, croisa les bras et attendit de voir si le troisième prétendant serait plus inspiré. Celui-ci, manifestement plus audacieux ou désespéré que ses camarades, choisit une tactique risquée. Il s'approche avec deux coupes de champagne, s'installant sans invitation face à la jeune femme. Un sourire enjolé aux lèvres, il lui tendit une coupe tout en engageant une conversation légère, agrémentée d'un regard insistant qui glissa furtivement vers son décolleté, pourtant sombre. Cette fois, la réaction fut instantanée. La jeune femme posa un regard perçant sur son interlocuteur, son sourire s'effaça en profit d'une expression glaciale. « Non merci !» répondit-elle d'un ton tranchant, chaque syllabe tombant comme un couperet. Le jeune homme, pris de court, se redressa avec raideur, balbutiant une excuse inaudible avant de se replier, rouge de honte. Dans un dernier acte de bravade, il vida d'un trait l'une des coupes qu'il tenait encore avant de disparaître dans la foule. Camille retrouva aussitôt sa posture initiale, effaçant d'un geste toute trace de l'épisode maladroit, comme s'il n'avait jamais existé. Victor, sous le charme, constata que cette prétendue débutante n'en était pas vraiment une. Elle ne jouait pas selon les règles imposées, mais dictait les siennes avec une élégance désarmante. Diverti par la scène, il retint un sourire tandis qu'il observait la jeune femme ajuster un pli de sa robe d'un geste délicat. Ses sourcils légèrement arqués trahissaient un agacement subtilement contenu, mais ses yeux restaient fixés sur un point lointain, ignorant superbement les regards fascinés qui continuaient de converger vers elle. Victor était encore plongé dans ses observations lorsqu'une main amicale se posa sur son épaule, le faisant sursauter légèrement. En se retournant, il découvrit Stéphane Bern, le sourire éclatant et le regard vif, visiblement ravi de son effet. « Ah, comte d'Avron, toujours l'affût des spectacles les plus captivants, n'est-ce pas ?» lança Bern, d'un ton chaleureux, teinté d'espièglerie. Victor répondit avec un sourire en coin. « Stéphane, comment aurais-je pu résister ? Cette beauté mystérieuse attire toute l'attention et pourtant elle éconduit chacun de ses prétendants avec une efficacité redoutable. Stéphane Bern se pencha légèrement vers Victor et lui murmura d'un ton complice « Camille Rondeau de la Modiquière, prononça-t-il à mi-voix, elle est de Bellême. Nous sommes, pour ainsi dire, voisins, puisque, comme vous le savez, j'ai un manoir dans le Perche, à Thiron-Gardet, votre collège royal. J'en ai entendu parler, bien sûr. Il paraît que c'est un lieu magnifique, et que prendre le thé devant votre orangerie, en contemplant le jardin botanique, est une expérience à ne pas manquer. Vous ne croyez pas si bien dire, Victor. Avec Iori, nous avons consacré des années de travail pour redonner vie à ce monument. Donc, sachez que vous y êtes le bienvenu quand vous voulez. » Victor, flatté, sentit une chaleur sincère dans cette invitation. « Ce serait un honneur, Stéphane. Alors c'est entendu !» s'exclama Bern avec un sourire éclatant. « Venez à l'occasion. Vous verrez, ce lieu a une âme unique. Iori sera ravi de vous le faire visiter. Nous pourrions même évoquer d'autres trésors du Perche en partageant un verre. » Revenant à la jeune femme, le comte la désigna d'un mouvement du menton. « Une percheronne, donc. Mais qui tient plus de la licorne que du cheval de trait ?» persifla-t-il. Bern éclata d'un rire bref, visiblement ravi par cette saillie. « Rare et indomptable, une véritable licorne en effet, et qui ne semble jamais se laisser brider par l'agitation ou les convenances. » Le maître de cérémonie marqua une pause, prenant le temps d'ajuster une manchette en argent avant de poursuivre avec un éclat malicieux dans le regard. « Et comme toutes les licornes, elle ne se laisse approcher que par ceux qui ont l'âme pure et les intentions sincères, des qualités rares chez ses prétendants. » Bern se redressa légèrement, savourant l'effet de ses mots. « J'ai eu l'honneur de lui être présenté ainsi qu'à sa sœur et à ses parents lors d'une garden party chez le comte de Romanet, des gens charmants. » Il désigna alors une jeune femme qui virevoltait au centre de la piste de danse. Radieuse dans une robe bleu roi, Adèle tourbillonnait avec grâce au bras d'un cavalier aux manières impeccables, son sourire éclatant captant l'attention de tous ceux qui l'entouraient. « Oh, ce n'est pas tout. Camille n'est pas ici pour elle-même. Non, non, elle est venue uniquement pour accompagner sa sœur aînée Adèle, qui, comme vous pouvez le voir, s'amuse quant à elle follement. » continua Bern, alors que Camille... Il laissa planer un instant de silence avant de développer sa pensée. « Est sans doute la plus belle des débutantes, mais aussi la plus insoumise. Étudiante aux Beaux-Arts de Paris, elle est bien plus à l'aise dans une salopette barbouillée de peinture que dans une robe de bal. Ses mains, longues et fines, tiennent bien plus souvent des pinceaux que des éventails. Et si elle joue des couleurs, ce sont celles de la gouache et de l'aquarelle, bien plus que du gloss et du mascara. Croyez-moi. » Victor, amusé, laissa échapper un léger rire. « Je vois. Une âme rebelle prise au piège de l'étiquette. Voilà qui explique son agacement. Elle est ici pour soutenir sa sœur, mais elle préférerait être ailleurs. » Bern hocha la tête, son sourire s'élargissant légèrement. « Exactement, comte. Camille est une personne de caractère. Elle préfère la franchise aussi malgré mondaine. Et je suppose que ses parents redoutent que ses talents de plasticienne ne la conduisent à déserter définitivement la bonne société. Cette soirée est pour eux une tentative de conciliation, de manière de l'ancrer dans ce monde. Peut-être espère-t-il aussi qu'un de ces jeunes hommes ait le courage de voir au-delà de la belle en robe blanche et de s'intéresser à l'artiste en salopette. » Victor acquiesça lentement, son regard revenant à Camille, toujours assise sur sa banquette, sa posture droite et élégante contrastant avec l'évidente indifférence qu'elle portait au reste de l'assemblée. Lui-même n'était pas là de son plein gré. Ce bal, avec ses sourires étudiés et ses dialogues interchangeables, n'était qu'une mascarade à laquelle il participait par devoir pour apaiser son père mourant. Pourtant, en observant Camille, si visiblement réfractaire aux conventions qui l'entouraient, Victor sentit naître en lui un attrait inattendu. Cette jeune femme semblait incarner une liberté qu'il enviait secrètement. Elle qui, artiste bohème, jouait ce soir le rôle imposé de dame de compagnie. Sous ses airs froids et sa réserve apparente, il percevait un feu intérieur, une vivacité qui transperçait malgré les apparences. Mais il comprenait aussi que toute tentative d'approche directe serait vouée à l'échec. Camille, il l'avait vu, rejetait les assauts maladroits avec une précision presque chirurgicale, préservant son espace avec une fermeté digne de ses convictions. Si elle sortait les griffes pour repousser les importuns, cela signifiait qu'il lui faudrait une autre tactique. La finesse, comprit Victor, serait son allié. Il esquissa un sourire discret, réfléchissant à la manière de s'introduire dans l'univers de cette énigmatique Camille, non comme un prétendant, mais comme un égal. Mais déjà une esquisse de stratégie se formait dans l'esprit du comte d'Avron. Il ne serait pas un énième prétendant, s'avançant avec des compliments fades ou des manières étudiées. Plutôt que de s'imposer, il guetterait l'instant propice, s'insinuant avec subtilité dans l'orbite de Camille, comme un danseur cherchant à trouver le bon moment pour entrer en scène sans rompre l'harmonie. Ce n'était ni le décolleté de la belle, ni l'aura d'ingénue mystérieuse qui l'attirait. Non, ce qui fascinait Victor, c'était cette flamme discrète qu'il avait entrevue dans ses yeux, cette intensité singulière qui, malgré elle, faisait de Camille une figure à part. Elle ne jouait pas seulement un rôle dans ce bal, elle le transcendait, lui conférant une profondeur que la plupart des autres invités ne pouvaient espérer atteindre. Victor savait que s'attirer les bonnes grâces d'une telle jeune femme serait loin d'être une tâche facile. Camille ne se contenterait pas de quelques mots bien choisis ou de flatteries déguisées. Elle exigerait, sans même le formuler, quelque chose de rare, une sincérité sans fard, une approche authentique et respectueuse de la complexité de son être. C'était une gageure, une entreprise délicate, qui demandait autant de finesse que de courage. Mais Victor, un sourire imperceptible naissant sur ses lèvres, sentit monter en lui un frisson d'anticipation. Après tout, il n'était pas un homme à se dérober devant un défi. Bon sang ne saurait mentir, et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un élan qui n'avait rien à voir avec le devoir imposé par son rang. L'ennui avait laissé place à une curiosité brûlante, et il se sentait prêt à relever le gant. Il posa son verre sur un plateau qui passait à proximité, jetant un dernier regard à Camille. Elle était toujours là, sur sa banquette, son poralti trahissant une maîtrise totale de son espace. Pourtant, quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle observait les couples sur la piste, laissait entrevoir une vulnérabilité à peine perceptible. Cette contradiction entre force et fragilité captivait Victor. Prenant une inspiration discrète, il tourna les talons et s'éloigna lentement. « Pas encore, pensa-t-il, pas maintenant. » Mais il savait qu'il reviendrait. Quelque chose en elle, dans cette manière unique d'être à contre-courant sans effort apparent, résonnait avec ses propres doutes et désirs. Elle était une énigme, et il n'avait jamais pu résister au mystère.